C'est la première chronique de la saison de la NCAA avec notre ami Hugues Fouché qui revient cette année. Très heureux d'accueillir Hugues. Salut Hugues! Salut Danny, ça va bien? Ça va bien Hugues, évidemment. Vous avez passé un bel été, passé content de revoir le football? Oui, absolument. On avait hâte que ça recommence. À passer un bel été, mais ça fait du bien de voir les matchs avec les foules, Ouais. et tout, là. C'est une belle ambiance, c'est pas mal le fun à voir. Ben, c'est la norme, c'est la normalité de la vie. C'est nous autres qui n'est pas normal au Québec, m'excuse. T'sais, on en a parlé souvent, là, mais. OK. Donc, ben ça, on n'est pas une chronique COVID, on est une chronique de sport. Donc, on va y aller avec le sport. Donc, hier, les Buccaneers, hier, j'ai pas écouté le match, j'étais à mon autre emploi. Et de toute façon, Oui. je l'aurais probablement pas écouté parce qu'avec les Blue Jays, puis les Love, sans y passer à autre chose. Oui. Pour la première fois. Sauf que. Ça, j'ai vu les Faisaillants, ça avait l'air d'être tout un match de football. Comme Ça a d'entrée de été jeu, un. là, c'est tout un match de football. Écoute, ça commence fort, effectivement. Gros match pour commencer l'année. Moi, pour moi, l'histoire du match, là, c'est surtout le retour de Dak Prescott, qui a connu un fort match. Il a lancé pour plus que 400 verges. Il a été excellent. On a lancé le ballon à profusion du côté des Cowboys pour te faire une image du match, là, parce que je pense qu'on était convaincus de ne pas être capable de courir contre ce front défensif-là, qui est le meilleur front défensif de la Ligue contre la course, là. Alors, on a passé le ballon, mais Prescott a été vraiment très bon. CeeDee Lamb a eu quelques échappées, mais il a connu un bon match quand même par la suite. Même chose pour Cooper. Gros match. Par contre, évidemment, on a laissé le ballon à Tom Brady avec une minute à faire. Il restait un premier jeu à gagner aux Cowboys pour pouvoir faire le placement de la victoire. Ils n'ont pas été capables d'aller chercher. Ils auraient pu y couler tout le temps, mais là, ils ont laissé une minute avec à Tom Brady. Alors. OK. Donc, on recommence 5-4-3-2-1-0. Hugues, écoute, j'ai regardé le premier match la semaine passée d'Alabama contre Miami. Et moi, j'ai été impressionné par Bryce White, un carrière qui remplace Mac Jones et toi. Écoute, c'est la première fois que je le voyais, je ne connaissais pas. Et ça n'a même pas paru. Quelle équipe Alabama, hein? C'est incroyable. Ouais. Effectivement, c'est vraiment l'équipe qui a le mieux paru durant la première semaine. En fait, c'est Bryce Young, le carrière. Effectivement, écoute, ils ont été vraiment solides. Je dirais que dans les quatre favoris, là, Oklahoma, Clemson, Alabama, puis Ohio State, c'est Ohio State a bien paru parce qu'ils jouaient contre un bon adversaire, Minnesota. Alabama a été vraiment dominant. Puis et Oklahoma et Clemson ont laissé des gros doutes. Donc, Clemson a perdu d'ailleurs, là, 10-3 contre Georgia. Une bonne équipe, mais c'est que leur attaque allait nulle part. Mais effectivement, je dirais qu'Alabama, Bryce Young, ses stats devant moi, le 71% de passes complétées, 344 verges. C'est-tu un freshman? C'est-tu un sophomore? C'est quoi? Deuxième année. Mais c'est sa première comme partant, mais il a passé l'année sur le banc l'année dernière. Okay. Honnêtement, je vais être franc avec toi, j'avais regardé son spring game. J'avais trouvé correct, mais je pensais pas qu'il était si bon que ça, là, vraiment. Il prenait des décisions rapides, il a un super bon bras. C'est juste un match, là, mais s'il continue de jouer comme ça, je pense qu'il fait partie des joueurs qu'il va falloir mettre sur notre checklist pour le trophée Heisman. C'est un peu d'ouvrir une machine après une semaine, mais il était impressionnant à ce point-là. Là. OK. Alabama, écoute, il y en a plusieurs. J'écoutais un podcast cette semaine, il disait que Mac Jones, Alabama, c'est une équipe de. Faut pas chier à leurs alignements, puisque n'importe qui est carrière à Alabama pourrait être bon. Parce que c'est un système, c'est un peu vrai quand tu regardes ça, les idées. Sauf que toi et Mac Jones sont apparemment ont la chance de faire mentir un peu ceux et celles qui les accusent. Mais est-ce que tu penses que t'es d'accord avec ça? C'est sûr que l'historique des cas, il n'y a pas grand carrière qui est venu d'Alabama. C'est un peu comme les Gators de la Floride. Oui, mais ils ont changé leur système à Tagovailoa, c'est qu'ils ont vraiment changé de système pour aller vers un système de passe qui ressemblait plus à ce qui se fait dans la NFL. Mais je te dirais qu'à partir de ce moment-là, oui, c'est vrai, Nick avec le talent, mais c'est surtout aussi comment ils sont encadrés. Puis ça serait un peu comme de dire la même chose que n'importe quel jeune carrière qui arriverait avec les Patriots, par exemple, risque d'avoir plus de chances de succès parce qu'il va être bien entouré. C'est un peu la même chose à Alabama, c'est-à-dire qu'il. Ben c'est comme, par exemple, prends Oklahoma. Tous les corps qui sortent de là ont du succès dans la NFL ou en tout cas deviennent des bons choix parce qu'ils sont bien formés. Je pense que c'est un petit peu la même chose qui est en train d'arriver à Alabama parce qu'à date, ce qu'on a vu de Mac Jones en match, ça fera pas l'objet de d'autres chroniques, là, mais ce qu'on a vu de Mac Jones en match hors concours, c'est qu'il est très bon jusqu'à date. Donc, je pense que Bryce Young, de ce que j'ai vu hier, est certainement pas moins bon que ce qu'on a vu de Mac Jones. Il est vraiment très fort. Là. OK, on va parler maintenant des matchs à surveiller demain. Le gros match, moi, je pense que c'est à 16h30, l'Iowa contre l'Iowa State. Donc, oui. T'es encore dans les matchs intersection, par contre, là. Donc, moi, c'est mon gros match. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, c'est oui, absolument. Puis pour une rare fois, c'est Iowa State qui est comme un petit peu le edge qu'on pourrait dire. Les deux équipes sont fortes. Là, Iowa, c'est toujours des bonnes équipes, mais ce qui donne une chance à Iowa State, c'est qu'ils ont le retour de leur carrière Brock Purdy. Puis ils ont aussi un des meilleurs porteurs de ballon d'NCAA qui est Breece Hall. Et avec ces deux joueurs-là, il y a une équipe solide. Je pense qu'ils ont une chance de gagner, mais c'est effectivement c'est un match. D'ailleurs, Iowa State est 9e, Iowa est 10e, puis ça donne une bonne idée, une force en présence. C'est deux. Ça va être très, très bon match de football. J'ai hâte de voir ça, moi aussi. OK, dans les autres matchs à surveiller, il y en a un petit sur Fox, je pense, qui est très, très bon. Là. Oui, oui, effectivement. Il y a quelques bons. Il y a quelques très bons matchs sur Fox, c'est Iowa State contre Oregon. Ohio State, excuse, contre Oregon. Ohio State, malgré une victoire contre Minnesota la semaine passée, ils m'ont pas impressionné tant que ça. En fait, le nouveau carrière, le très attendu C.J. Stroud, moi, m'a laissé beaucoup sur mon appétit. D'aller les défenses, il ne voyait pas bien le terrain, ça lui prenait du temps à prendre ses décisions. Finalement, il y a tellement de talent que ça en est sorti, mais ça va prendre du meilleur jeu que ça. Puis la défensive va montrer une grosse, grosse vulnérabilité contre le jeu au sol. Avant qu'Ibrahim se blesse, là, il est sorti pour l'année, mais écoute, il est en train de défoncer le front défensif de Ohio State. Alors, j'ai des questions, mais ça demeure une équipe favorite pour se rendre en playoff. Puis Oregon a connu un bon match la semaine passée, c'est une bonne équipe. Alors, excellent match pour commencer la journée, on ne peut pas demander mieux que ça. Là. Mais encore là, c'est comme vous dites, c'est interconférence, c'est que c'est pas, ça n'a pas la même importance. À la fin, on... Les matchs de SEC vont commencer la semaine prochaine aussi. Ça en dit long. Là. C'est plus là que ça joue, mais quand même, pour faire l'état des forces, puis ça permet d'évaluer une conférence par rapport à l'autre aussi. Et si Oregon se fait massacrer, c'est pas bon pour le Pac-12, mais si Oregon arrive à faire un match serré contre Ohio State, ben là, on va dire peut-être que le Pac-12 est quand même assez fort. Puis ça aide à jaucher la force des conférences quand on a des matchs comme ça. Oui, effectivement. On va suivre ça. Ben Hugues, merci beaucoup. Un plaisir de se parler lundi. On va faire le round-up de ce qui s'est passé dans la NFL et dans la NCAA.